Les bars assistent à me donnent la barre. J'appuie deux fois sur la flèche, carrément j'ai besoin de la barre. Chaque jour c'est la bagarre pour la maison dans la Creuse, la maison dans le Var, les outils de force accrue. Pour cette merde je m'alimente plus, le channel tourne comme une centrale. Le compteur s'égère sa folle, si je pratiquais la cabale. Communiste pour les miens, capitaliste pour le blé. Bah ouais sale chien, la baraque faut bien meubler. De Murano sur le plafond et les joujoux à Léon. Je fais des AR entre le PC, le lit, un vrai accordéon. Si la school j'ai pas drop out, c'était pour la CAF à la maison. Cette pute d'assistante sociale m'a fait revenir à la raison. Pourquoi tu stresses? V'là les sueurs sur ton front quand t'entends les deux blancs becs sur les productions terroristes, toujours signées par Néofront. Le monde est moche, hein, je le sais depuis que je me drogue. Depuis que je vendais mon corps à 17 dans le F1, je me faisais blowjob. J'ai dit 30% de mon histoire et c'est CAF, crois je dis tout. Je m'arrête pas tant que la coffrette fait pas le poids de Vestito. V'là Nikito et Nikita. Fous ton cul sur le dildo. T'inquiète pas, on a de la mille pour que ta petite fente elle se dilate. J'ai des t-shirts pour les Dylan, des CD pour les Kevin. L'underground est enceinte, pourtant SFN est stérile. Pas à pas, la dynastie se monte, la cause voir en feu se monte. Tenir les marionnettes à la Joseph Patrick Kennedy. On arrive chargé comme les Aizian. Si je fais dépasser le joke, c'est que je suis friki comme une pute taille. Je vais pas trop m'épancher, sinon mes larmes je vais devoir éponger. Tu me diras, c'est pas trop grave, bientôt j'ai le vêtement qui est spongieux. Je suis bon gars, ça j'atterris jamais dans le bon jeu. Une grande casa et de quoi t'accueillir dans le donjon. Tu sais pas grand chose à changer de l'époque où se bougatch. Tant que je suis là, ce serait qu'on te fonçait dans le platane sans une bugatch. On l'a tranché, t'inquiète, elle repousse avec bientôt Vlad et puis. Je tentais de vesquer ma carcasse salie dans les benzodiazépines. Juste pour voir ce que ça donnerait, je me suis mise dans bien des galères. À 9 ans, j'allais me cacher pour danser dans les sables de ma mère. Qu'est-ce qu'on va faire de ces deux putains? Est-ce rentable si j'en recrute un? Pourrais-je faire trimer cette salope? Jobé comme nous, c'est pas prudent. Pensez une clochard peut te faire bosser. On peut t'embaucher à mi-temps. Tu pourras m'écouter faire des tubes pendant que tu me nettoies à la teub. Astique, viens, je vais te montrer comment monter l'empire en 2 heures. J'attends la suite, j'ai touché 930 fois mon tel en 2 heures. Je me sentais béni comme quand j'entendais l'huissier qui parle à d'autres. Fumer ton taf, t'as oublié de me les essuyer par la gauche. J'ai qui sont S30V pendant que le F m'aide à resserrer le corps. On s'achetait nos âmes, c'est même pas comment la note sera corse. Il était bien trop galant, on donne pas suite au rendez-vous. J'avais de quoi l'enterrer quand le gars, dis-moi, dis rendez-vous. Dis-moi tout, dis-moi tout. Dis-moi tout, dis-moi tout. Tes mots doux m'ont fait mal au cœur, comment balancer? Dis-moi tout, dis-moi tout. Dis-moi tout, dis-moi tout. Tes mots doux m'ont fait mal au cœur, comment balancer?